Bonjour mademoiselle, asseyez-vous. Nous cherchons des jeunes filles au pair, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent d'enfants 24 heures sur 24. Cela vous intéresse? Oui. Bon, je vais remplir cette fiche. Quel est votre âge? J'ai 19 ans. Quel genre d'études avez-vous fait? J'ai un diplôme d'études secondaires. Alors vous venez juste de terminer vos études. C'est ça. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, j'ai fait du babysitting le soir et pendant les week-ends. J'ai travaillé aussi comme monitrice dans une colonie de vacances. Quand ça? Cet été et l'été dernier. Et comment ça s'est passé? Très bien. J'adore les enfants. J'ai un frère et une sœur tout petits et je m'occupe souvent d'eux. Vous êtes disponible à vous déplacer? Sans problème. Vous avez un permis de conduire? Oui, je viens d'avoir mon permis il y a 6 mois. Et vous êtes disponible à partir de quand? Dès maintenant. Bon, je crois qu'on vous appellera bientôt. Laissez-nous votre adresse et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Voilà. Merci et au revoir. Au revoir, mademoiselle.